night, Elsie. Good night, Elsie. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Salut à toutes, voici donc l'heure de retour avec l'émission Souvenir entre 13h30 jusqu'à 16h. Bienvenue à tous et à toutes. Voilà donc la dernière émission du mois. Et oui, parce que donc demain on sera déjà le samedi et on sera déjà le 1er octobre. Et oui, ça passe très très vite. Voilà donc aussi, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, une très bonne matinée, puis j'espère aussi que vous avez passé une bonne après-midi en notre compagnie. Voilà donc aussi, la musique est toujours là, est toujours présent 24h sur 24 pour vous faire plaisir. Voilà donc, je vous laisse avec du boogie et puis juste après on écoutera tout simplement Corona.

Voilà donc après tout simplement Bimimi, voici donc Bonnie M avec Daddy Cool. He's crazy like a fool. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Voici donc bien arrivé des programmes pour cette fin de week-end, bon, fin de vendredi, voilà, ainsi que pour le week-end, donc le samedi et le dimanche. Descobertas, em 96.2, de França, Orleans, para todo o mundo, em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas, a melhor música de baile está aqui. Voilà donc, juste après donc Emmanuel, à partir de 19h jusqu'à 22h, eh bien, vous allez retrouver l'émission de Marika avec Albino. Voilà donc, et eh bien c'est pour demain, on sera donc eh bien samedi. Convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Bien pour les émissions, on écoutera, on fera d'autres émissions plus tard. Voici donc, bien je vous laisse avec Renaud, tout simplement. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Le titre Missal gagnant, et puis juste après France Gall. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir les blessures. Compter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car un sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos boères. Et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquer les dents, et les Mistral gagnants. atmosphère d'altitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Tout simplement, arrêter les minutes supplémentaires qui font de ma vie un enfer. Je l'aime encore, mais plus vraiment. Tout doucement, sorti de ses draps et de son cœur. Tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Tout simplement, changer de peau, oublier toutes les avant. Fermer les yeux, se sentir de nouveau. Autrement. Son cœur dans sa tête. Si encore il m'attend, tout simplement, fermez pour quand ces sentiments différents. Tout simplement, fermez pour quand c'est bon terre. Dans mon cœur, dans ma tête. Changer pour vraiment. Du temps qui passe, presque en silence quand on debut en serre. C'est pas vraiment la solitude, mais c'est la certitude d'un sentiment indépendant de son attitude. Tout simplement, fermé pour cause des sentiments différents. Dans son cœur, dans sa tête. Changer tout vraiment. Si encore il m'entend. Sur la pointe du cœur, tu n'es la pas. Tout simplement, choisis un nouveau livre d'images. Tout doucement, prêt à prendre à aimer passionnément. Tout simplement, une autre histoire dans un monde différent. Son cœur dans sa tête. Si encore il m'attend, tout simplement, fermez pour cause des sentiments différents. Tout simplement, fermez pour cause un panthère. Et dans son cœur, dans sa tête. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Voici donc un petit coucou à Féro. Voici donc pour elle, eh bien, tout simplement Céline Dion, le titre Pour que tu m'aimes encore est suivi de Goldman. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. C'était le temps d'avant, mais si tout s'appelle. sur des forêts de magnolia. Les seins dorés brûlant des filles passent à deux pas de mes dix doigts. Les musiciens de Casablanca sont marabouts de Prétoria. C'est tout un peuple fou qui danse comme s'il allait mourir de joie. Afrique, adieu. Belle Africa, où vont les eaux bleues? Et Tanganyika, Afrique, adieu. Mon Kassamba, saigne autant qu'il peut. Comme un signal, c'est pour une fille de Nairobi qu'un tambour joue au Sénégal. Et de Saint-Louis à Yaoundé, des lacs salés au vieux Kenya. C'est tout un peuple qui va danser comme s'il allait mourir de joie. Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Bonjour, c'est Lily Harmonie sur Radio Arc-en-Ciel. Titre dans le noir. Ouais, debout mais pas sommeil, ouais debout mais assommé, pas facile de me consoler, c'est flou, flou. Depuis le voile qu'a sur mes yeux, toutes les couleurs, je leur dis adieu. Je pose mes mains sur tout ce que je peux, c'est flou, flou. Dans ma tête je prends des photos, je les range comme un dernier cadeau, que je servirai sur un plateau le jour d'après. On me dit de pas y penser, mais comment ne pas y penser? J'imprime mais j'ai peur d'oublier le jour d'après. Dans le noir, tu sais ton visage va tellement me manquer. Dans le noir, je n'aurais peur de rien si ce n'est l'oublier. C'est trop tard, je sais je dois m'habituer à. Laisse-moi le temps de bien te regarder. Là c'est dur, je vais pas te mentir. Désolé, je vais pas sourire. J'ai du mal à me contenir, c'est flou, flou. Pourquoi ce voile sur mes yeux? Je suis pas si faible, je suis pas si vieux. Je me dis destin, je me dis c'est Dieu, c'est flou, flou. Dans ma tête je prends des photos, je les range comme un dernier cadeau. Que je servirai sur un plateau le jour d'après. On me dit de pas y penser, mais comment ne pas y penser? J'imprime mais j'ai peur d'oublier le jour d'après. Dans le noir, tu sais ton visage va tellement me manquer. Dans le noir, je n'aurais peur de rien si ce n'est l'oublier. Laisse-moi le temps de bien te regarder. J'ai rien demandé, jamais demandé. Mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas. J'ai rien pleuré, jamais pleuré. Mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Ton visage va tellement me manquer. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec trois titres différents du Portugal et on se retrouve juste après. Quero dançar com o fofo. O fofo me convidou. Conheci agora há pouco. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo. É dança do mangolê. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo. O fofo me convidou. Conheci agora há pouco. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo. É dança do mangolê. Tive convite para o mês que vem para dançar a dança do mangolé. Vieram-me convidar. Me convidou agora há pouco. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo. O fofo me convidou. Conheci agora há pouco. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo. É dança do mangolê. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo. O fofo me convidou. Conheci agora há pouco. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo, é dança do mangolê. Ai uê, ai uê, é dança do mangolê. Quero dançar com o fofo, quero dançar com o fofo. O fofo me convidou. Conheci agora há pouco. Quero dançar cu fofo. Quero dançar cu fofo, é dança do mangolé. Quero dançar cu fofo, quero dançar cu fofo. O fofo me convidou, conheci agora há pouco. Quero dançar cu fofo. Quero dançar cu fofo, é dança do mangolé. Ai ué, ai ué, é dança do mangolé. Quero dançar cu fofo, quero dançar. Oh, Califórnia, terra linda, linda.

sous la choupette. Arc-en-ciel, un amour de FM. Voici donc, voici, ça s'appelle Johanna Dorso. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime. chanson, voici donc Alain Chausson avec Foule Sentimentale. La chance va-t-elle enfin vous sourire aujourd'hui? Suite des émissions pour le week-end, donc pour le dimanche, donc à partir de 8h jusqu'à midi, eh bien vous allez retrouver tout simplement avec Antonio et Mathieu pour l'émission Cantal Dogalo. Et puis juste après eux, vous allez retrouver Lionel tout simplement avec Jérôme et Katia pour l'émission Le Téléphone Sonne entre 10h jusqu'à 12h30. Donc c'est à vous de faire tout simplement l'émission. Et donc juste après, tout simplement à partir de 13h30. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. David Asseloff et le titre s'appelle tout simplement Douze Limbo Dance. jette la clé. Arc-en-ciel, un amour de FM. Voici donc le groupe collectif Métissé. Le titre, tout simplement, Makala. Remonte l'ennui.

pas si bête pour une fille drôle. T'es pas si laide, tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Est-ce que c'est bien le cas pour tout le monde? Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est... C'est non. Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien, c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein. Moi, ce que j'ai compris, en fait, pardon, c'est que je te coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce que j'ai un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on ne sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut tenter. Non, non. La laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir. Eh oui. Eh ben oui, ok, d'accord. Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit. Ouais, très bien, voilà. Tobias. Après, c'est pas la peine de crier, oui. Mais c'est super. Pas la peine de crier, parce que comme on est tous là, on entend très bien. Ouais, des petites remarques, toujours. Quoi? T'as un problème? Non, si tu fais toujours des petites remarques, là, voilà, tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vas de les écouter. Ah, tu vois, écoutez, moi, j'écoute pas les femmes, moi, j'écoute pas les femmes. Il me semblait. On voit tous que t'as aucune sensibilité. Calmez-vous, je pense que ce que vous essayez... Oh, tais-toi. Ta gueule. Pourquoi? Elle intervient au milieu du... Tout hystérique, là. C'est fou de faire ça. C'est désagréable. On parlait du désir. Allez, c'est okay. Con, pourquoi on s'embrouille comme ça? C'est elle qui me coupe, là, coupeuse. Laisse-moi te chanter. Parler te faire en... Moi, je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Pour mes premiers pas, t'étais là déjà dans la famille avant moi. T'as vu mes premières fois, tu m'as vu grandir. Mes premiers chagrins, mes premiers mots pour le dire. Je savais pas que tout serait si différent. Mais tant que tu es là, ce sera comme avant. De la tête aux pieds dans les cœurs douces et violentes. Et grâce à toi, tous ces gens qui chantent. Oh, et moi j'étais rien, c'est vrai. Qu'un gamin solitaire. Et toi tu es passé. Tu seras la dernière et moi j'étais rien, c'est vrai. Qu'un gamin solitaire et toi tu es passé. Tu seras la dernière. Ma belle, promis y'a que toi ma douce qui est éternelle. Les années, les amis, les amours passent. Et toi tu restes et me fais rester à ma place. Tu seras mon île quand je serai loin d'ici. Tu seras mes ailes toujours, toujours dans mes nuits. Dans les joies, les pannes de cœur, dans les tourmentes. Et grâce à toi, tous ces gens qui chantent. Oh, et moi j'étais rien, c'est vrai. Qu'un gamin solitaire. Et toi tu es passé.

enamoran que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay.